buissonnière pour acheter trois fois plus cher un uniforme de misère, de misère. Avec mes dépouilles militaires, j'ai le calme d'un cimetière, mais je ne porte pas de croix, pas de croix. Comme tous les enfants de bourgeois, comme tous les enfants de bourgeois, comme tous les enfants de bourgeois, de bourgeois. Je calme mes idées politiques au hasard des grands périodiques pour faire des bouquets d'opinions, d'opinions. Je vis comme un caméléon et j'aimerais changer les lois sans trop vraiment savoir pourquoi. Les enfants de bourgeois, comme tous les enfants de bourgeois, de bourgeois.